Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Je suis Olivier Gentil, je suis président de Jury Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Brangenot, qui travaille avec nous sur la plateforme depuis quelque temps, qui va répondre à pas mal de questions qu'on a reçues concernant les mesures de soutien aux entreprises. Bonjour, Maître. Bonjour monsieur, ravi d'être avec vous. Bonjour à tous. Écoutez, on est particulièrement ravis de vous recevoir aujourd'hui. Donc, Jury Travail, en quelques mots, et ça ne va pas durer plus de 30 secondes, vous le connaissez, c'est le leader de l'information juridique digitale. C'est la première audience juridique en France. On décrypte l'actualité juridique, on a une base de documentaires assez importante, on a des juristes qui travaillent avec nous pour répondre à des questions de nature information juridique. Bref, on est au cœur de cette actualité qui nous, on va dire, qui nous obsède un tout petit peu depuis au moins 6-8 mois. En tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je suis moi-même un chef d'entreprise. On a beaucoup de questions sur toutes les aides, les soutiens que l'État, les régions ont pu mettre en place pour nous aider à passer ce cap extrêmement difficile de cette crise liée au Covid-19 et à ces problématiques de trésorerie qui en dépendent. On a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Comme on a eu trop de questions, et donc c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas. On a décidé de couper en fait ce webinaire en deux webinaires. Le premier en fait va traiter aujourd'hui de tout ce qui est aide en général. On va parler du PGE, du fameux prêt garanti par l'État, mis très très vite en place par l'État, du fonds de solidarité aussi. Et puis jeudi, on se retrouvera pour parler de sujets un tout petit peu plus techniques, mais néanmoins très importants, le chômage partiel, le report, l'annulation d'éventuelles charges, les aides éventuelles pour les loyers qui sont un sujet particulièrement important pour pas mal d'entreprises, et puis d'autres aides en cas de fortes difficultés financières de sociétés qui sont en redressement ou en passe de l'être. Qu'est-ce qu'on a pour répondre aux questions de ces entrepreneurs? Aujourd'hui, donc, on se concentre sur les aides, sur les PGE, sur le fonds de solidarité avec Maître Brangenot, qui est avocate spécialisée au barreau de Paris en droit des sociétés, qui travaille donc avec beaucoup de TPE-PME sur ces problématiques-là. Vous me confirmez, Maître? Oui, tout à fait. Bon, on va démarrer directement dans le vif du sujet, puisqu'on a 45 minutes, donc autant être précis. Parlons, Maître, des aides en général. Donc, si vous pouvez nous faire un petit panorama de toutes les mesures disponibles à ce jour pour les TPE, PME, afin qu'on puisse rentrer éventuellement ensuite dans le détail de l'une d'entre elles. D'accord. Donc actuellement, on a énormément d'aides qui sont le Fonds de solidarité, bien sûr. Fonds de solidarité, donc c'est une aide financière qui va être donnée aux entreprises, donc d'abord aux entreprises fermées administrativement, de moins de 50 salariés qui peuvent bénéficier d'une aide mensuelle allant jusqu'à 10 000 euros. Après, il y a des entreprises de 50 salariés dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, qui, certes, des fois ne sont pas fermées administrativement, mais subissent une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%, qui peuvent aussi bénéficier d'une aide mensuelle pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Et toutes les autres entreprises qui subissent une perte de chiffre d'affaires de 50%, qui elles pourront bénéficier d'une aide mensuelle pouvant aller jusqu'à 1 500 euros par mois. Donc déjà, quand on parle fonds de solidarité, on parle de subvention. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est bien Tout le à fait. distinguo que l'on fait entre le fonds de solidarité mis en place par l'État et différents prêts où là, quelque part, un jour ou l'autre, il va falloir rembourser. Voilà. Après, il y a les mesures financières, dont fait partie le PGE. Donc, il y a plusieurs PGE. Il y a le PGE global qui a évolué à partir depuis là. C'est en fait un dispositif qui permet aux entreprises d'obtenir un prêt qui est remboursable suivant certaines conditions. Donc là, actuellement, les entreprises peuvent désormais contracter un prêt et nous verrons plus précisément avec certaines questions techniques jusqu'au 30 juin 2021. Donc, ce prêt qui est garanti par l'État va être étalé maintenant entre 1 à 5 ans supplémentaires après cette première année, parce que ce prêt va durer 6 ans maximum. D'accord? Donc, on peut avoir un nouveau différé, parce que bon, on voit qu'on arrivera actuellement avec le deuxième confinement. On n'espère pas qu'on aura une troisième vague et de difficultés, mais voilà, ils ont prévu quand même d'avoir une possibilité de différer le premier remboursement d'une année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 6 vont devenir 2 plus 4 ou ça veut dire ça va faire 1 plus 1 plus 4? Ça veut dire qu'on a une première année. Normalement, à la fin de la première année, il devait avoir soit un remboursement, soit un amortissement. À la fin de cette première année, c'est-à-dire ben, au mois de mars prochain, hein, souvent, Oui. c'est pour les premiers qui ont contracté, Voilà, le chef d'entreprise pourra décider, c'est soit il peut tenir ses engagements, soit il ne peut pas. Et donc, il demande une année supplémentaire pour pouvoir amortir son prêt. Il demande un différé d'un remboursement d'une année. Donc, au lieu d'avoir une seule année pour différer son remboursement, il aura 2 ans. Et du coup, ça, c'est une nouveauté qui est apparue. Et la durée du coup, c'est un maximum. Les entreprises n'auront pas reconstitué leur trésorerie pour pouvoir rembourser leur prêt là, au premier ou deuxième trimestre de 2021. Je vous remercie sur le panorama global, allez-y. Voilà. Après, dans les PGE, il y a le PGE aussi saison, c'est-à-dire que ça va aider les entreprises qui ont une activité saisonnière, qui a une certaine particularité, contrairement au PGE de droit commun, on va dire, qui est PGE de droit commun, on compte le maximum, le montant, c'est 25% du chiffre d'affaires. Là, pour les entreprises saisonnières, ça va être, on prend les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires du dernier exercice clos. Ce qui peut représenter pour certaines entreprises 80% de leur chiffre d'affaires. Voilà, oui, c'est un PGE qui est bien particulier pour des entreprises saisonnières. Après, il y a des PGE soutien à innovation pour les jeunes entreprises innovantes. Donc, ça, c'est des entreprises qui ont des dépenses de recherche, un développement à hauteur de 15%. Hein. Donc, ça, voilà, il y a des particularités. Il y a aussi, dans l'hypothèse où les entreprises n'ont pas réussi à obtenir, et ça peut arriver, le PGE, des dispositifs, des prêts à taux bonifié, des prêts participatifs. Également, moi, ce que j'ai pour mes clients, je leur demande aussi d'interroger les régions, parce que les régions proposent des avances de trésorerie à taux zéro. En Ile-de-France, il y a le prêt rebond. Dans d'autres régions, ils ont encore des prêts. Donc, il faut pas hésiter à demander, justement. Et vous pouvez soit contacter les CCI, qui sont très à jour, des différents prêts que proposent les régions. Il faut chercher. Mais allez sur le site de la CCI de votre région pour pouvoir avoir des informations sur ce qu'elle peut vous proposer. Après, dans les différentes aides, bien sûr, on a le chômage partiel qui permet justement aux entreprises de pouvoir supporter le coût de l'inactivité. Donc, bien sûr, pour tout ce qui est les secteurs protégés actuellement, entreprises événementielles, culture, restauration qui sont fermés, ils ont droit à une indemnité qui est prise en charge à 100%. S'agissant du chômage partiel de droit commun, là, par contre, l'allocation de chômage partiel, elle s'élève à 70% de l'rémunération brute. Donc, c'est tout à fait différent. Donc, ça permet également que la masse salariale soit prise en charge par l'État. Il y a aussi différentes mesures qui ont été faites, c'est exonération et report de cotisations sociales. Donc, toutes les entreprises, normalement, qui ont moins de 50 salariés, qui sont fermées administrativement, bénéficieront d'une exonération totale de leurs cotisations sociales durant ce confinement. Hein. Après, les PME, tourisme, événementiel, culture, sport, qui resteront ouverts, mais qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires, auront normalement droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales patronales. Pour les TPE, donc, qui ont perdu du chiffre d'affaires, qui ne sont pas sous le coup en fait, d'une restriction d'ouverture, elles pourront solliciter au cas par cas des remises de cotisations. Donc là, moi, j'invite mes clients à faire des demandes, justement, parce que, ben, voilà, pour l'instant, c'est seulement un report de charge qu'on leur propose. Et justement, c'est une proposition. Maintenant, c'est à eux de faire les demandes, compte tenu de leur situation, à eux de motiver, justement, cette demande pour pouvoir avoir des exonérations. Parce que c'est pas accordé d'office. Oui, je suis assez d'accord. J'invite tous nos chefs d'entreprise à demander et à même être force de proposition, parce que si on arrive typiquement sur un échéancier de remboursement URSSAF, Il faut être force de proposition sur du 12, du 24 mois. Il préfère avoir quelqu'un qui s'engage sur un remboursement même long plutôt que quelqu'un qui dit je ne sais pas trop quoi faire. Et même l'URSSAF actuellement, qui d'habitude est très frileuse au niveau des étalements, les cotisations pourront donner un plan d'apurement qui peut aller jusqu'à 36 mois. Ouais, Donc, je suis. il y a des possibilités, faut les utiliser au maximum hein, pour pouvoir passer le cap hein, de ce Vous avez côté. raison de souligner 12 mois, ça devient, à l'époque c'était le maximum, aujourd'hui ça devient quelque part le minimum, quoi. Et on peut aller jusqu'à 36 mois. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, c'est assez compliqué parce que sur ce panorama, vous avez déjà brossé beaucoup de Mais difficultés. il y en a encore quelques-unes. On a encore des exonérations et des reports d'impôts. Par exemple, pour les entreprises qui sont propriétaires, il y a la possibilité de reporter leur taxe foncière pendant 3 mois. Il y a la possibilité de demander de report d'imposition. Alors, une seule chose, en ce qui concerne la TVA, il n'y a pas de report, hein. La TVA, normalement, c'est de l'argent qui est dû à l'État, parce que l'administration, elle estime, c'est vrai qu'on doit la reverser. Donc ça, il n'y a aucune mesure ce genre de pour un report. Il faut respecter les dates d'échéance. Voilà. Donc, il existe également ben, les loyers. Hein. Concernant les loyers, en fait, c'est une incitation. Hein. Il n'y a pas d'obligation pour le bailleur. Il y a l'incitation pour les bailleurs de renoncer au loyer du mois de novembre. Il y a eu plusieurs propositions en fait par le ministre de l'économie. Donc actuellement, la mesure qui est retenue, hein, pour l'instant qui va passer par la loi de finances, c'est une renonciation du bailleur sur le loyer du mois de novembre. Il pourra obtenir 50% d'un crédit d'impôt qui sera applicable sur 2021. Donc voilà, donc ça, c'est une incitation. Mais bien Et ça, sûr, c'est le bailleur qui décide si vous l'accordez ou pas. c'est valable pour tous les secteurs, cette mesure sur les loyers, ou c'est uniquement les secteurs de Non, touchés comme. ça concerne surtout les entreprises qui sont fermées, en fait. D'accord. Fermé administrativement, quoi. Et ça concerne tous les commerces qui soient de 0 à 5 000 salariés. Hein. Après, bien sûr, il y a un crédit d'impôt qui est différent. Hein. Soit de 50%, soit 50% sur la totalité du loyer, soit les 2 tiers sur voilà, la totalité des loyers. Voilà. Donc Mais c'est seulement nos sur les amis, commerces. restaurateurs sont ciblés par cette mesure, en tout cas, typiquement. Oui, mais pour l'instant, ça ne concerne qu'un seul mois. Vu les difficultés qu'ils ont eues déjà au mois d'octobre avec le couvre-feu, ça aurait été bien que ça concerne tout le quatrième trimestre. Comme ça avait été fait initialement, la proposition a été faite le quatrième trimestre, ils sont revenus il n'y a pas si longtemps. Et toute la difficulté des aides, c'est qu'elles évoluent. Hein, depuis le début du confinement, elles évoluent de jour en jour. On a des nouveautés, on a des modifications, donc voilà, il faut se tenir au courant. Et voilà, c'est toute la difficulté. Après, bien sûr, pour toutes les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité, vous pouvez bénéficier toujours d'un report des factures de gaz, d'électricité, etc. Donc ça voilà. Il y a également l'État qui s'engage à accélérer les mesures de remboursement concernant le crédit d'impôt et TVA. Donc ça peut pour pouvoir avoir une trésorerie assez rapidement. Après, bien sûr, vous avez différentes mesures concernant le soutien à l'emploi, les contrats de professionnalisation, qui ont permis à beaucoup de gens qui avaient justement, qui faisaient des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, d'obtenir certains contrats parce que ça permet d'avoir quand même des aides entre 5 000 euros pour un mineur et 8 000 euros pour un majeur. Et les entreprises, bon ben voilà, ça a un coût énorme et ça permet justement de former quelqu'un et que ça soit pas une charge supplémentaire, surtout en cette période. Il y a également bon, bah, dispositif relatif à l'activité partielle mais de longue durée, c'est-à-dire jusqu'à 24 mois, mais là, bon, ça nécessite bien sûr un accord d'entreprise. Voilà, il y a énormément de mesures pour pouvoir vous soutenir, mais bon, c'est vrai qu'après, les conditions sont telles que bah, c'est très difficile, par exemple, comme on a le fonds de solidarité, justifier qu'on perd 50%. Si on perd pas 50% de son chiffre d'affaires, mais seulement 40%, C'est très difficile à accepter qu'on ne rentre pas dans les critères pour bénéficier d'une aide. Je vous propose, puisqu'il nous reste une grosse demi-heure, de lire les quelques questions précises que nous ont posées effectivement nos chefs d'entreprise. De manière liminaire, je précise à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a deux juristes, en fait, deux jurys de travail qui sont à votre écoute aujourd'hui et qui pourront vous répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. C'est Alice et Alexandra qui se feront un plaisir de répondre aujourd'hui et aussi lors de la session de jeudi à vos questions parce que le sujet est quand même compliqué. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques, à nous les poser à côté de ce, enfin, pendant ce webinaire. Donc, la première question que je. Bon, elle est aussi générale, mais elle concerne les indépendants en tant que tels. Quelles sont les aides accordées aux indépendants? En général, ce sont les mêmes que celles que je vous ai parlé au-dessus, le fonds de solidarité, le PGE, D'accord. les exonérations des cotisations. Après, les conditions sont différentes, hein. Il y a également une aide qui est très spécifique, une aide financière exceptionnelle, donnée par la Caisse de sécurité, justement, sociale, enfin, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Donc, pour tous ceux, les cotisants qui sont fermés depuis le 2 novembre, en fait, ils ont la possibilité d'obtenir bon, une aide de 1 000 euros. C'est toujours acceptable. Bon, les conditions, c'est bon, qu'ils sont affiliés depuis le 1er janvier 2020, qu'ils ont bien effectué au moins un versement de cotisation depuis leur installation, qu'ils sont à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019. Ils n'ont pas bénéficié d'une aide de cotisants en difficulté. Bon, et bien sûr, vous ne faites pas l'objet d'une procédure de recouvrement forcé, c'est-à-dire taxation d'office. Donc, cette Mais c'est aide, une aide mutuelle. je vous en parle maintenant parce qu'elle est, on va dire, une date de validité très courte, c'est-à-dire que c'est jusqu'au 30 novembre. Il faut vous adresser à l'URSSAF avant le 30 novembre. Vous remplissez le dossier. Et vous pouvez bénéficier d'une aide de 1 000 euros. Pour les auto-entrepreneurs, on est à 500 euros. Mais voilà, ça D'accord. c'est une aide très spécifique, momentanée. Donc il ne faut pas rater le calendrier, c'est maintenant qu'il faut la demander. 13 jours pour bénéficier de 500 000 euros en se rendant sur Voilà, le site elle est de. 1 000 euros. Ça, Après, bien sûr, oui. ça, c'est Après, du vous court. pouvez bénéficier de tout. Le report des cotisations sociales, le recours au chômage partiel, les prêts garantis par l'État, fonds de solidarité. Et le tout, c'est de pouvoir remplir vos conditions, les conditions. Voilà. Après, il y a certaines conditions spécifiques aux indépendants, artisans. Hein, et voilà. Ben justement, parlons des artisans un petit instant, qui sont effectivement de toutes petites entreprises pour la plupart. Est-ce que les aides de l'État, notamment le fonds, peuvent dépasser les fameux 1 500 euros pour ces petits artisans? Parce que 1 500 euros, c'est à la fois beaucoup et finalement pas beaucoup pour ceux qui souffrent depuis plus de 9 mois. Après, ça va être, faut répondre, faut rentrer dans les critères du fonds de solidarité, en fait. C'est est-ce que vous êtes fermé ou pas? Est-ce que si vous êtes dans les secteurs privilégiés, vous avez perdu bien 50% de votre chiffre d'affaires? Et si vous pouvez, vous n'êtes pas fermé et que vous perdez quand même 50% de votre chiffre d'affaires, vous restez à 1 500 euros. Voilà, c'est. Je crois qu'il y a les régions qui parfois abondent, non, qui vont au-delà de ces 1 500 euros. Alors, le volet avant, il y avait le fonds de solidarité, il y avait deux volets. Il y avait le volet national, le volet régional. Le volet national, il est toujours valable. C'est là. Le volet régional est clôturé. C'est fini. Ah oui, tout C'est a été pour le premier distribué. confinement. Là, nous sommes au deuxième confinement. Et le deuxième confinement, comme le volet régional est terminé pour demander l'aide au niveau de la région, ils ont élargi la demande. Hein, donc jusqu'à 10 000 euros par mois. Voilà, ce qui est quand même bien, mais pour certains pas assez, c'est normal, parce que en fonction de la taille de l'entreprise. Mais voilà, là-dessus, on reste à des niveaux assez importants quand même. D'accord. Alors, autre question pour des catégories bien spécifiques d'entreprises, ceux qui sont, on va dire, de jeunes entrepreneurs qui ont créé finalement l'entreprise il y a moins d'un an, donc ils ont moins d'un an d'exercice. Quelles sont les aides proposées par l'État pour ces toutes jeunes entreprises? Alors, pour ces jeunes entreprises, en général, il y aura tout ce qui est un peu au report des cotisations. Hein. Après, il y aura bien sûr le PGE. Vous avez toujours Même la sans chiffre possibilité. d'affaires, finalement. Il n'y a pas eu Oui, de et chiffre le d'affaires fonds de l'année précédente. solidarité. D'accord. En fait, pour calculer le chiffre d'affaires, on va faire la comparaison en fait avec le chiffre d'affaires, avec les moyennes mensuelles du chiffre d'affaires sur les mois d'activité depuis la création de la société. Voilà. D'accord. Ça, c'est il y a des calculs bien particuliers pour le fonds de solidarité pour déterminer justement. Voilà, ils ont perdu exactement 50% ou pas de leur chiffre d'affaires. Pour le PGE, faut maintenant, ils sont éligibles, donc ils peuvent y aller. Mais voilà, après, sur ces deux aides, ils peuvent Vous bénéficier de ces dites deux aides. que maintenant ils sont éligibles parce que ça, c'est une évolution récente. Bah, ça, on va dire, c'est au moment du premier confinement, il y avait eu un peu une difficulté par rapport au PGE. Hein, parce que les banques, il fallait quand même justifier le chiffre d'affaires d'une année à 2019 antérieure pour pouvoir voilà, calculer les 25% du chiffre d'affaires. Et les 25% du chiffre d'affaires, c'était le montant du prêt du PGE. Donc voilà. D'accord. Oui. Donc, bon, écoutez, ce qu'on Maintenant, retient, voilà. c'est que c'est possible. Il y a sans doute des Oui, maintenant difficultés, c'est mais c'est possible. possible. Alors, autre question, si on avance sur des investissements un peu spécifiques qui sont des investissements matériels pour pallier au Covid. Donc, tout ce qui concerne le respect des gestes barrières, etc., quelqu'un aide-t-il les entreprises à financer ces investissements-là? Oui, il y a la possibilité d'obtenir des subventions, justement, à travers la branche des accidents de travail de la sécurité sociale. Donc, c'est une subvention, c'est une enveloppe qui est prédéterminée. Donc, il y a un principe, c'est premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que toute personne qui va faire sa demande, les demandes vont être traitées au fur et à mesure. Et quand le budget sera clôturé, quand l'enveloppe financière sera distribuée en totalité, les demandes qui arriveront après, il n'y aura plus de subvention. Donc, cette enveloppe a été ouverte depuis le mois de mai. Donc, moi, je vous invite à le faire assez rapidement pour pouvoir bénéficier de cette enveloppe financière, pour pouvoir justement bénéficier. Donc, cette demande, ça va concerner en fait, donc il y a 5 000 euros qui peut être donné en titre des subventions. Hein. Cette subvention, elle est attribuée seulement en cas d'acquisition, donc ça ne concerne pas tout ce qui est financement du crédit bail, ni tout matériel qui est acheté d'occasion. Donc, ça va concerner les cloisons, les plexiglas, les lavabos, les masques, les visières, le gel hydroalcoolique, tout ce qui permet de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation. J'imagine que c'est un Donc, pourcentage des dépenses faites, en fait. voilà, tout à fait. Donc, c'est destiné uniquement aux TPE-PME de moins de 50 salariés et aussi aux indépendants, bien sûr. D'accord. Donc, les critères. Alors, ils sont différents entre les TPE et les indépendantes. Concernant les TPE, alors, faut bien, les critères, c'est les TPE, on considère qu'il y a des salariés. Les indépendants, on considère qu'ils sont tout seuls. Malheureusement, dès qu'un indépendant a un salarié, il rentre dans les TPE-PME. Voilà. Donc, D'accord. TPE-PME, c'est moins de 50 salariés. Donc, que vous cotisiez au régime de sécurité sociale, vous êtes implanté en France, bien sûr, que vous avez réalisé et mis à jour votre document unique d'évaluation des risques depuis moins d'un an. Donc ça, il faut que ce document soit établi. Et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une aide publique portant sur le même investissement. Ça, c'est une déclaration sur l'honneur. Il n'y a pas de difficulté. Vous pourrez bénéficier, donc, pour les indépendants, c'était juste. Qui n'ont pas de salariés, qui cotisent la sécurité sociale, qui sont en France et qui n'ont pas bénéficié de cette aide. Donc, vous pourrez financer énormément de choses. Bon, comme je l'ai dit, tout ce qui est barrières, poteaux, mesures d'hygiène, les masques également. Donc, tout ce qui est par contre les éléments à usage unique, scotch, peinture, film plastique, même le matériel informatique, ce n'est pas pris en charge. Hein. Donc, en gros, je bénéficie d'une subvention qui est égale à 50% du montant hors taxe de l'investissement. Donc, pour les TPE, PME, l'investissement doit être compris entre 1 000 et 10 000 euros. Donc, subvention sera entre 500 et 5 000 euros. Et pour les indépendants sans salariés, l'investissement doit être compris entre 500 et 10 000 euros. Et pareil, la subvention est entre 250 et 5 000 euros. Donc, voilà. Pareil que sur l'autre mesure, dépêchez-vous. Il reste encore peut-être un petit peu de place dans l'enveloppe, mais pas tant que ça. Voilà. Et les justificatifs, la demande doit être faite avant le 31 décembre. Bon, ben là, du coup, on a un petit peu plus de temps que tout à l'heure. On a une quarantaine de jours pour pouvoir faire cela. Dépêchez-vous. Vous parliez juste il y a quelques instants de matériel informatique. Donc, nos différents premiers ministres, puisqu'on en a eu deux pendant le Covid, et notre président de la République nous incite effectivement au télétravail. On est tous en télétravail, vous êtes en télétravail, jury travail, nos collaborateurs sont en télétravail ou en grande partie. Ça coûte de l'argent le télétravail, c'est une jolie mesure, mais ça nécessite des investissements informatiques. Qu'en est-il justement des aides pour financer ce matériel informatique qu'on n'avait pas prévu il y a ne serait-ce qu'une petite année? Ben, ce problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'aide par rapport à ça. Il y a une aide qui est spécifique, c'est pour les travailleurs handicapés. Donc voilà, pour pouvoir installer un poste de travail si le télétravail n'était pas mis en place avant. Mais en général, comme c'est une modalité du travail, c'est la société qui bénéficie et que voilà, c'est certes, on favorise le télétravail, mais qui va en bénéficier, c'est l'entreprise. Donc, il n'y a pas de subvention qui est accordée, justement, pour cette mise en place du matériel informatique. On a des aides qui sont comme le chèque numérique, comme je vous ai parlé, pour les commerçants, les indépendants qui veulent créer un site Internet. Dans les départements, régions, il y a des subventions, justement, pour pouvoir que les commerçants, les indépendants se développent informatiquement. Mais pour mettre en place le télétravail, pour acheter le matériel, il n'y a pas d'aide. Et oui, je sais, malheureusement, vous me confirmez ce qu'on savait déjà. Et donc, si vous avez besoin d'aide, de soutien pour vos mesures informatiques, il faut être à l'initiative d'un projet numérique et là plutôt se retourner vers les régions qui parfois peuvent vous aider dans ces projets-là qui, quelque part, sont initiateurs de quelque chose de nouveau, donc qui financent le futur plutôt que le présent qui est concerné par le télétravail. Bon, on a un peu fini des questions générales et je vous propose de rentrer, si vous le permettez, sur le fameux PGE. C'est un acronyme qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois. Maintenant, tout le monde le connaît par cœur. Le prêt garanti par l'État, si j'ai bien compris, en fait, il est garanti à 90% par l'État, c'est que les banques prennent un risque résiduel de 10%. Donc, sur le prêt garanti par l'État, donc vous avez déjà répondu à la question, mais je vais la reposer, parce que c'était une question qui est importante, qui a été posée plusieurs fois, parce que tout le monde se pose vraiment la question, est-ce que ce remboursement du PGE est bien reporté d'une année, voire de deux années? Et est-ce qu'on a quelques informations sur le taux auquel on sera soumis si on décide de le rembourser en une, deux, trois ou quatre années? Oui. Donc, comme initialement, il n'y a aucun remboursement qui est exigé à la première année. Déjà, maintenant, actuellement, on peut déjà aller jusqu'au 30 juin 2021, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ça peut être aussi une association, une fondation pour une activité économique. Donc voilà, s'agissant de ce prêt, ce montant du prêt va être fixé à hauteur de 3 mois du chiffre d'affaires de 2019 ou des 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes. Voilà, ça c'est le montant. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a eu son premier PGE et qui a atteint ses 3 mois de chiffre d'affaires en 2019, malheureusement, elle ne peut pas le compléter, elle ne peut pas demander un deuxième PGE. Elle a atteint le maximum. Par contre, une entreprise qui a obtenu un prêt qui a atteint peut-être 1 mois ou 2 mois de son chiffre d'affaires peut demander un second PGE pour compléter, pour arriver jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc, s'agissant du remboursement, là, donc la première année, normalement, il n'y a pas de remboursement. Quand on va arriver à la première année, on va tomber vers le mois d'avril, mais l'État a bien compris que. L'entreprise n'avait pas reconstitué leur trésorerie. Donc, 2 à 4 mois avant la date anniversaire de rembourser, soit vous pouvez l'amortir sur 1 ou 5 ans supplémentaires, ou décider de le reporter. Voilà. Donc, s'agissant du taux, les petites et moyennes entreprises qui souhaitent étaler le remboursement du PGE pourront obtenir et bénéficier des taux bancaires compris entre 1 et 2,5 % en fonction du nombre d'années de remboursement. Ah d'accord, c'est en Actuellement, fonction du nombre d'années. D'accord. on a demandé que les banques se sont engagées. C'est les banques qui se sont engagées à proposer une tarification maximale de entre 1 et 1,5 pour les prêts remboursés en 2022-2023, on va dire jusqu'en 2023, et de 2 à 2,5 pour les prêts qui seront remboursés en 2024 à 2026. Seront des remboursements mensuels, maître? Excusez-moi? Ce sont des remboursements mensuels, a priori, maître, ou semestriels, ou trimestriels? Ça va être à voir avec la banque. D'accord. C'est voilà, ça va être un amortissement en général, ça va être mensuel, mais voilà, ça va être un remboursement. S'agissant de la garantie, donc pour les entreprises, donc vous avez dit justement qu'elle est de 90%, hein, ça va être pour les entreprises mais en général qui réalisent un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1,5 milliard, mais je pense que c'est plus pour tout le monde à peu près, sauf pour certaines grosses entreprises. Voilà. Après, les garanties de l'État diminuent, mais c'est pour les entreprises qui sont très importantes. D'accord, donc vous Donc, avez répondu. bon, là, après, pour bénéficier de ce prêt, bon, ben, voilà, vous avez des différents critères, hein, pour pouvoir accorder le prêt. Donc, en général, les mesures. Vous pouvez obtenir, si vous remplissez, vous obtenez facilement votre le plan PGE. Dans l'hypothèse où la banque vous le refuse, donc je vous invite, dès qu'il y a un refus, ou dans l'hypothèse où elle ne répond pas malgré les plusieurs relances, vous saisissez le médiateur pour que celui-ci, justement, intervienne auprès de la banque et puisse, justement, essayer de vous faire obtenir ce PGE. Il y a des hypothèses, c'est que dans l'hypothèse où la banque, malgré l'intervention du médiateur, refuse toujours de vous accorder ce PGE, hein, il existe d'autres mesures qui permettent, en fait, comme les prêts participatifs, qui permettent justement de pouvoir avoir des prêts et ainsi financer votre trésorerie. Voilà. Ce Alors, sont c'est comme je vous ce sont les ai aides dit, directes de l'hypothèse. l'État, c'est ça? Ce sont les aides directes de l'État? Je crois que c'est Ce sont des lié avec prêts la qui banque. sont qu'on obtient soit par l'intermédiaire des codifiés, hein, soit également des prêts qui sont obtenus où c'est là où l'État peut vous accorder des prêts, hein, plus ou moins importants. Hein. Ça peut être également les prêts, comme vous avez dit, de vous rapprocher de vos différentes régions, du conseil régional, qui accordent des prêts justement pour pouvoir. Des prêts de trésorerie pour pouvoir justement passer ce cap. Oui, j'en ai entendu parler. Le problème de ces prêts-là, c'est que ce sont des petits prêts qu'ils vont chercher aux alentours de 5 et 10 000 euros. Ce sera toujours Voilà. moins important que les PGE, malheureusement. Sur les PGE, je me permets de compléter et mettre quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont plusieurs banques. Donc, lorsque vous avez plusieurs banques, allez demander le PGE à la banque à laquelle vous confiez vos flux. Et si vous avez des flux qui sont répartis 50-50, ben, demandez la moitié du PGE sur l'un et la moitié sur l'autre. Celle qui n'a pas de flux, généralement, n'aura pas tendance à vous suivre, en tout cas dans cette aide-là. Voilà. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont confiés à nous sur ces problématiques-là. Alors, sur les PGE, on a des questions parce que beaucoup pensent que les PGE sont réservés au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, enfin, tous ceux qui souffrent pleinement parce qu'ils sont fermés administrativement, donc tout ce qui est la culture, les salles de sport. Mais qu'en est-il des autres secteurs qui ne sont pas ceux souvent ciblées par ces fermetures administratives, ont-ils droit aussi à des PGE? Oui, toute entreprise a le droit au PGE. Il n'y a pas, c'est pas réservé à un seul domaine d'activité. Et comme je vous ai dit également, il y a des PGE qui sont très spécifiques à d'autres sociétés, comme les PGE saisonniers. Ça va être surtout le cas, ouais, justement des entreprises qui fonctionnent l'hiver, le jeu d'hiver, les restaurants saisonniers sur la côte, etc. Eux, ils peuvent justement bénéficier d'un PGE qui est tout à fait différent et qui peut avoir justement un montant plus important parce que et ça va être basé non sur les 25% de leur chiffre d'affaires, mais sur les 3 meilleurs mois d'une année, ce qui peut représenter souvent 60-80% de leur chiffre d'affaires annuel. Mmh. Donc voilà. Donc ça, après, bien sûr, il y a le PGE, comme je vous avais indiqué, sur les entreprises innovantes. Voilà, il y a, on essaye à chaque fois de bien d'appliquer un PGE, de prendre le PGE qui vous convient le mieux et qui vous permettra d'obtenir justement une aide maximum. On va parler pour les 10 minutes restantes du fonds de solidarité. Juste une petite précision sur le PGE. On parle souvent effectivement de cette garantie à un coût qui est très faible. Et soyez rassurés, ce coût, on ne le paye pas tout de suite, on le paye à la fin en fait. Donc, il est… Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, pour ceux qui sont effectivement en grande difficulté financière, au début, vous touchez de l'argent net, du coup, ce coût, effectivement, vous sera demandé à la fin, quand vous, soit vous les étalerez ce paiement, soit lorsque vous le déciderez de le rembourser au bout d'un an. C'est pas grand-chose, mais ça méritait d'être souligné. Donc, si on en vient maintenant sur le dernier thème du jour, le fameux fonds de solidarité, qu'est-ce que ce fonds concrètement? Et vous nous avez dit que tout le monde pouvait en bénéficier. Comment? Enfin, on discute avec qui au final? Alors là maintenant, on ne discute plus qu'avec l'État, avec l'administration fiscale précisément, parce que c'est à eux, c'est par l'intermédiaire de la Direction générale des finances publiques que la demande est instruite. Je voulais préciser, mais bon, ça c'est pour certaines entreprises, il y a une aide complémentaire qui existe toujours pour la région, mais c'est seulement, ça concerne les discothèques. Donc, où ils peuvent faire encore la demande. Et bien sûr, là, il vous reste encore très peu de jours. Il vous reste jusqu'au 30 novembre. Hein. C'est une aide qui peut aller entre 2 000 et 45 000 euros, suivant les pertes de l'entreprise. Donc, voilà, ce volet-là pour les discothèques, c'est jusqu'au 30 novembre. Et c'est les régions qui gèrent ce volet-là. Alors, s'agissant essentiellement de toutes les entreprises, ils ont un peu étendu les mesures concernant ce fonds de solidarité. Donc, on a trois types d'entreprises qui peuvent bénéficier de différents fonds de solidarité. Donc, on a les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Donc, ils ont moins de 50 salariés. Ils peuvent justement obtenir une indemnisation allant jusqu'à 10 000 euros par mois. Les ouvertures, les entreprises qui sont ouvertes, mais qui sont durablement touchés. Ça concerne toutes les entreprises concernant la restauration, l'hôtellerie, culture, qu'ils ont moins de 50 salariés, donc tourisme, événements, ils peuvent aller jusqu'à 10 000 euros par mois. Et après, il y a toutes les autres entreprises impactées par le confinement, mais qui ne bénéficient pas justement d'une fermeture. Et eux, il faut justifier d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%. Et alors, ils auront une aide jusqu'à 1 500 euros par mois. Donc, Excusez-moi, quand vous dites que c'est par mois, ça veut dire que tous les mois, on redémarre à zéro sur la demande? Oui, tout à fait. Donc là, actuellement, les aides, ça se font directement sur le site de la Direction générale des finances publiques. Donc, pour le mois de novembre, ça va être dès début décembre. Normalement, soi-disant, les aides seront versées juste après la déclaration. Alors, concernant, et bon, pour la région parisienne, on est dans le cas, les départements qui ont connu le couvre-feu, elles pourront remplir ce formulaire à partir du 20 novembre 2020 pour la période justement du couvre-feu, du mois d'octobre. D'accord. Nous aurons là, à partir du 20, il y a la période d'octobre pour le couvre-feu, et à partir début décembre, ça va être pour le mois de novembre. Il y a pas mal de questions autour des 10 000 euros. 10 000 euros, c'est un chiffre maximum. On peut avoir 7 000, 8 000, 5 000, 4 000. Ça dépend de quoi, en fait? Alors ça, ils n'ont pas encore trop précisé le montant, mais ça, voilà, ça va être en fonction des pertes, des déclarations. Ça va être comme on fait les déclarations à partir du 20 ou J'ai pas encore pu voir le formulaire en place. Parce que typiquement, un restaurateur qui a un loyer de 4 000 euros, avec 10 000 euros, il est très heureux s'il ferme. Ah Mais bah oui, mais bon, je suis pas sûr que c'est comme ça que ça va vraiment. une autre entreprise qui a plus de 50%, qui est pas fermée et qui a plus de 50% de perte de son chiffre d'affaires avec 1 500 euros, Ouais, c'est pas ce qu'il y a. c'est... Donc, on ne sait pas encore exactement à quelle sauce on sera mangé sur ces Voilà. 10 000 euros. De toute Okay. façon, comme je vous Alors... ai dit dès le début, les mesures évoluent au fur et à mesure, évoluent. C'est-à-dire D'accord. qu'ils essayent de s'adapter en fonction, ben, justement, on va dire, des conséquences économiques qui apparaissent au fur et à mesure, et les mesures évoluent au fur et à mesure. Donc il faut régulièrement aller sur le site des finances publiques pour voir si de nouvelles mesures sont là ou si les anciennes sont toujours disponibles. Tout à fait. J'ai une longue question, je vais la lire parce que vous la comprendrez sans doute mieux que moi. Alors, ça concerne les associations. Les associations adhérentes à notre syndicat se voient souvent refuser l'accès au fonds de solidarité au titre qu'elles n'ont pas un code APE correspondant à ceux visés dans les textes, à savoir secteur S1 et S1 bis. Est-ce bien l'activité principale de l'association qui compte et non le code APE? D'accord. Alors, première chose, c'est que depuis début novembre, les conditions d'accès aux aides financières du Fonds de solidarité a été élargie. Donc, maintenant, ça concerne toutes les personnes physiques et morales qui ont une activité économique. Donc, pour les associations, une activité économique, ça ne veut peut-être pas dire activité principale, parce que sinon, ce n'est pas une association. Une association, le code APE est déterminé en fonction de l'activité principale. En général, un code APE est à peu près identique, que ce soit une association sportive, culturelle, c'est à peu près le même code. Donc là, actuellement, ce qu'on souhaite maintenant pour les associations, pour les fonds de solidarité, les conditions, il faut qu'elles puissent justifier qu'elles soient assujetties soit aux impôts commerciaux, soit qu'elles aient au moins un salarié. Donc ça, c'est important. Après, maintenant, il faut pouvoir justifier justement que vous ayez cette activité économique et lucrative pour pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité. Donc, la notion de chiffre d'affaires pour les associations, ça concerne, on tient compte, on ne tient surtout pas compte des dons et des subventions pour les associations. Ça va être vraiment le chiffre d'affaires de cette activité qui va être tenu compte. Et c'est ça qu'on va déterminer si vraiment ils ont une perte ou pas de 50% par rapport à l'exercice précédent. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut tenir compte de toutes les actualités. Pour les autres associations, il y a une mesure qui a été adoptée, enfin, il y a une proposition qui a été adoptée le 10 novembre. C'est une possibilité d'aider, une aide exceptionnelle pour les autres associations n'ayant pas d'activité économique qui emploient un salarié. Donc, pour l'instant, c'est une aide qui peut être entre 5 et 8 000 euros en fonction des situations. Vous voyez, c'est assez vague. Hein? Ça va être accordé à des associations qui emploient moins de 10 salariés et qui ont accès à aucune aide. Cette mise en place sera faite en 2021. D'abord, il faut que ça se passe par la loi de finances. Donc voilà, ça a été annoncé il n'y a même pas 10 jours. Donc voilà, c'est au fur et à mesure, voilà, dès qu'ils voient qu'il y a des difficultés, ils essayent de donner des aides. Mais bon, l'association, là, on est au mois de novembre. Si elle va avoir cette aide, elle n'aura pas avant janvier-février. Donc il faut qu'elle fasse le cap toute seule. Et D'accord. ce n'est pas avec 5 à 8 000 euros que, voilà, qu'on peut continuer à vivre. Bien sûr. Alors, peut-être la dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cette première séance. Alors, c'est une question un peu spécifique, mais qui, je crois, malheureusement, concerne beaucoup de dirigeants. On a des dirigeants d'entreprise qui sont typiquement gérants d'une TPE et qui, par ailleurs, ont un autre métier, donc un contrat de travail à temps plein, ce qui leur permet effectivement d'être entrepreneurs tout en sécurisant une partie des revenus. Donc ces gens-là, en fait, ils se posent la question, est-ce qu'ils ont droit au fonds de solidarité ou est-ce qu'a priori, tel qu'ils l'ont lu, ils n'ont peut-être pas droit d'avoir accès à ces aides? Alors, pour être éligible au fonds de solidarité, en fait, les dirigeants majoritaires, il faut être un dirigeant majoritaire, ne doivent pas être titulaires au 1er octobre 2020 d'un contrat de travail à temps complet. Mais où que ce soit, en Donc, fait. oui. D'accord. Donc, si c'est dans cette société et qu'il a, dans la société où il a un contrat de travail, il ne peut pas demander le fonds de solidarité. S'il détient une autre société ou le dirigeant, mais il n'a pas le contrat de travail, cette société-là aussi ne pourra pas bénéficier du fonds de solidarité. Mais avoir un contrat de travail, par exemple pour un SAS, qui est un mandataire social et assimilé des salariés, il pourra bénéficier du fonds de solidarité parce que bon, c'est son régime social. Donc là-dessus, il a assimilé des salariés, mais il n'a pas un contrat de travail. Un contrat de travail, ça veut dire qu'il a un contrat avec des fonctions qui sont différentes de celles du management, de la direction de la société. C'est ça, un contrat de travail. C'est par exemple, il est ingénieur dans sa société, en même temps qu'il est président, qu'il dirige la société, il est ingénieur, il s'occupe de rédiger, de faire des plans. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait des fonctions totalement différentes de la gestion de la société. Ok. Bah écoutez, c'est assez clair. L'exercice était périlleux, maître, d'essayer de répondre à toutes ces questions-là, parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont proposés par l'État, par la région, parfois même par les collectivités locales, donc les mairies. Donc, merci d'avoir essayé de répondre à toutes ces questions-là. On se retrouve jeudi. En tout cas, moi, pour terminer, je dirais à tous nos chefs d'entreprise, essayez, tentez, contactez vos banques, contactez, allez sur le site des impôts, allez sur le site de vos régions respectives. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas rester et attendre, il faut agir. Si vous arrivez, vous proposez des choses intéressantes, vous serez toujours écouté parce qu'aujourd'hui, l'État et toute l'administration en général et les régions sont prêts à vous aider si vous arrivez avec un projet intelligent. Donc, soyez audacieux. Et garde confiance. Merci maître pour cette première séance. On se retrouve jeudi à Oui. 14h. Deuxième séance, nous parlerons de chômage partiel, d'annulation de charges, de loyer, et puis des entreprises qui sont en grande difficulté, qui pour autant aujourd'hui ont aussi accès à des aides. Donc on parle de tout cela jeudi. Merci encore, bonne journée à tous. Merci maître, à très bientôt. Merci encore, bonne journée à tous. Au revoir. Et hop, Elodie revient. Hello. C'était super intéressant. Bravo, bravo à tous les deux. Bon, tant mieux. C'est... Ben, tant mieux. Écoutez. Non, c'était vivant, c'était Ah, bien. nous entendons toujours. Alors, du coup, on vous entend toujours. Donc, Olivier et Maître, est-ce qu'on peut se contacter par une visio sur Gmail? Hélène vous a envoyé un lien pour vous connecter. Ah, Voilà. d'accord. Merci à tous, en tout cas, merci à tous les D'accord. participants. Il reste encore quelques-uns, je vois. On se retrouve Oui. jeudi. À très bientôt. À tout à l'heure, à 3 heures.